PNL 12, calé dans le coupe vent que je suis. On ouvre de 12 à 12, pas de pause comme un four de ma cilia. Comme toi, reste assez, j'suis pressé, mais pressé. Paris, c'est pas le Barça dans le 9, trempe, rack et Messi. 07 sur la PZ, voie de gauche, on fait les flashs dans un Q8 de la A6 à la A7. Hashtag, j'tartine, j'ai la mentale, on dira taille, ma couille charbonne tout le temps. Pendant qu'ils se prend la Dubaï, goodbye, moi j'ai pas le temps. Si tu nous veux le montant, c'est le prix de ton paf tard. Me dis pas que t'es le sang, point qui j't'absente. Tu pourrais prendre la fuite comme Red Dawn, j'passe la douane. Reste à droite, j'ai le matos, fatos. Ça amène vite dans le bataille, y'a la bague, ça passe. Faut que tu ralasses avant qu'on te baisse ta race. Ça débite la salade, ça dit même pas salam. On passe à live, Max t'es cascaray. Tu joues, tu perds ta life, on passe à live. J'ai vendu la drogue à toute la ville. Maintenant j'vais danser toute la France. J'sors un gros single en avril. Et l'été on tourne, y'a pas de vacances. J'prends le rond-point de l'étoile de travers. Et le péage de Lançon en marche arrière. Clean choqué me voit à la télé. Se rappelle que je veux servir à fond vert. On fait des films de la musica. Vegas, bitches, pussycat. Devant le but, moi j'suis efficace. Comme Drogba face à Newcastle. Allop, ça toque. J'saute du balcon comme Yamakasi. Les fuck, les cops. J'me mets en cavale vers Cassis. Et tous les jours dans le bloc, les cleans attendent pour venir toucher la queue. Et tous les jours, la police gamberge à comment faut faire pour nous péter. Et tous les jours dans le bloc, les cleans attendent pour venir toucher la queue. Et tous les jours, la police gamberge à comment faut faire pour nous péter. Quand j'arrive dans le bail, c'est la guerre. Ra, ra, sont tous à terre. Un gars du 19 déboule à Marseille. On est dans la kitchen, ils sont tous à sec. M'en fuck, bientôt je les bute. Les gens me dégoûtent, c'est des fils de pute. Le J appelle le J. Merci. Le bif appelle le bif. Aussi. J'suis pas né pour consommer, j'suis pas là pour te consoler. J'vais m'occuper de ton sommeil, bientôt mon heure va sonner. Ça met du Gucci para, ça n'achète plus de falche. On voulait plus qu'à là, on a mis le cascaï. Gur, gur, gang, gang, bla bla, ouin, ouin. C'est tout ce que j'entends, sale chien. As-tu ton bis dans les mains? C'est à la fin du bal qu'on paye les icos. C'est un clicos, kikos, wesh chico. J'ai le kilo, la quiche, t'as le bigo. T'as la grande gueule, finie comme Santino. On va brasser comme Antonio. Ne suis pas lésant, le poteau éteint ta mère, même s'appelle Anthony. J'suis même plus étonné, ça te braque, séquestre. Sans pitié, si tu montes trop, ta Daytona. RS4 en batte, mode force, mets la gomme. J'fais que du haut de gamme, et j'ai toujours pas de dégaine. Tu vois les rimes, j'suis jamais à court. J'perds plus de sang que tu packs chaque cours. C'est moi le dernier méchant en haut de la tour. J'te souhaite pas les galères de mon parcours. Commission rogatoire, on a le meilleur. C'est vrai, crapule le fâché. En avant saché, en avant saché. C'est ma RS, mami, un truc qui veut nous clasher. Bébé, tu veux nous lâcher. Ma pote, tu veux l'acheter. Ça va vite dehors, frérot, t'as encore retrouvé bâché. J'ai mis plein de gasoline, ils jouent les Totorina. Augmente le son, Radisson, t'es un peu bizarre. 6 balles dans barillé, je peux pas rater, espèce de connard. Zin, zin, arrête un peu hein les baratins. Sur la tête à Madame Faglin, j'ai jamais vendu la machine. SAUZ, agent 47, 2-3 menaces et la boule à Z. 13-0, dressé la mitraillette, ça sent le mitard, les baumettes. Des fois je bois ça m'aide à neutraliser les marionnettes. Grand classico, essaie de venir tester, on te met dans fourgonnette. Laisse faire, SAUZ c'est la bonne affaire. Envoie papier contre un stylo et j'fais danser les grammaires. Laisse faire, SAUZ c'est la bonne affaire. Envoie papier contre un stylo et j'fais danser les grammaires. Le son, reste assis le son. Écoute la leçon, pas et Marseille dans le réseau. Monte le son, reste assis le son. Écoute la leçon, pas et Marseille dans le réseau.